The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To browse through. Feuilleter. Issue. Le numéro. Photo article. Le reportage photo. Launching. Le lancement. Perfume. Le parfum. Sample. L'échantillon. Stench. La puanteur. Lawsuit. Le procès. Factory. L'usine. Deodorant. Le déodorant. Disaster. Le désastre. Lawyer. L'avocat. Now, a bit faster. Lawyer. L'avocat. Factory. L'usine. To browse through. Feuilleter. Launching. Le lancement. Deodorant. Le déodorant. Lawsuit. Le procès. Photo article. Le reportage photo. To browse through. Feuilleter. Issue. Le numéro. Stench. La puanteur. Deodorant. Le déodorant. Lawsuit. Le procès. Lawyer. L'avocat. Factory. L'usine. To browse through. Feuilleter. Sample. L'échantillon. Issue. Le numéro. Disaster. Le désastre. Photo article. Le reportage photo. Launching. Le lancement. Factory. L'usine. Stench. La puanteur. Photo article. Le reportage photo. To browse through. Feuilleter. Lawyer. L'avocat. Now, use the words in context. Feuilleter. He was skimming through that book when a photo fell out of it. Il feuilletait ce livre et puis une photo en est tombée. Le lancement. They had a big party for the launching of this new brand. Pour le lancement de cette nouvelle marque, ils ont fait une grosse fête. L'échantillon. A sample of our new cream for you, ma'am. Pour vous, madame, un échantillon de notre nouvelle crème. Le procès. He lost his lawsuit against that multinational company. Il a perdu son procès contre cette multinationale. Le lancement. They had a big party for the launching of this new brand. Pour le lancement de cette nouvelle marque, ils ont fait une grosse fête.